337, activation, oral. Dialogue between Mireille and Jean-Michel. You will hear a dialogue between Mireille and Jean-Michel. Listen carefully and practice Jean-Michel's answers. Alors, nous allons inventer une histoire. Nous allons inventer une histoire? Oui, et je vais proposer l'histoire. Et nous alors? Ben vous allez inventer l'histoire avec moi. On va inventer des aventures, des voyages. Ça va être amusant, non? Espérons que ça va être amusant. Now repeat Jean-Michel's answers. Alors, nous allons inventer une histoire. Nous allons inventer une histoire? Oui, et je vais proposer l'histoire. Et nous alors? Ben vous allez inventer l'histoire avec moi. On va inventer des aventures, des voyages. Ça va être amusant, non? Espérons que ça va être amusant. Now answer Mireille. Alors, nous allons inventer une histoire. Oui, et je vais proposer l'histoire. Ben vous allez inventer l'histoire avec moi. On va inventer des aventures, des voyages. Ça va être amusant, non ?